Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de La Croche-Oreille. L'édition, une émission qui est dédiée exclusivement à l'art sonore sur les ondes de CKRL. C'est Jean-Pierre Gay avec vous et Gaëtan Gosselin. Salut Gaëtan. Salut Jean-Pierre. Alors, on a du monde autour de la table ce soir, Gaëtan. Oui, alors des gens à l'avatar, Caroline Gagné, mm-hmm. qui est à ma gauche. Oui. Par rapport aux auditeurs, c'est à gauche. Et ta gauche à toi? Et ma gauche à moi, c'est Michael ou Mike Gauthier. Bergeron. Gauthier, c'est un autre, c'est vrai. Alors, Michael Bergeron, qui est un tout nouveau d'Avatar aussi. Ça fait quoi, quelques mois maintenant? Depuis mi-août à peu près, fin août, mm-hmm. mi-août environ. Donc, à peu près 6 mois. Bon. Alors, Michael, tu es là aux communications? Oui, adjoint communication chez Avatar. Adjoint communication. Puis Caroline, elle est à la... C'est quoi, directrice Direction artistique. La direction artistique. Oui. Depuis quoi, 2 ans, 3 ans maintenant? Oui, je suis dans la... Il me semble troisième année. Troisième oui. année, hein? Parce que tu me le demandes, là, je m'en rappelle plus. Ouais, mais il me semble que ça doit faire un bon trois ans. Depuis 2013. Ouais, si j'ai septembre bien lu mes archives. Alors, ce soir, nous avons donc deux représentants d'Avatar. Avatar, qui est un centre d'artistes spécialisant en art numérique et en art sonore. Et c'est avec un grand plaisir. Et d'ailleurs, qui est un partenaire fondamental de cette émission de La Croche-Oreille. C'est un peu grâce à Avatar si nous sommes ici ce soir. Et donc, c'est avec un grand plaisir qu'on vous reçoit à titre de notre partenaire principal et unique. C'est vraiment un plaisir d'être ici ce soir. Mais juste pour les auditeurs, cependant, Caroline ou Michael, celui ou celle qui voudra, nous rappeler, Avatar, c'est un centre d'artistes, on dit ça, là, c'est un centre d'artistes en art sonore et numérique, mais qu'est-ce que ça fait, Avatar, exactement? En fait, c'est un centre d'artistes qui est davantage tourné vers l'accompagnement des projets. C'est un centre qui est plus tourné vers la production. De temps en temps, dans la programmation, il y a de la diffusion. Par exemple, pendant le mois multi, on en profite. Mm-hmm. puis, ben voilà. Donc, on a une expertise en audio et en électronique. Moi, j'aime bien dire... en fait, je parlais de ça avec Patrice cet après-midi, un collègue. Puis Patrice Coulon. Oui, c'est ça. Oui. On travaillait ensemble, puis... il disait, au fond, Avatar, c'est un centre qui s'intéresse à la posture de l'audio dans l'art. Puis je trouvais que c'était intéressant parce mm-hmm. que c'est vrai que les artistes qu'on reçoit, il y en a des experts en acoustique, tu sais, qui ont des connaissances très spécialisées, mais la mission première, c'est quand même des œuvres d'art. Fait que c'était intéressant comme... Mm-hmm. J'ai bien retenu ces termes. Et Avatar, contrairement aux autres centres d'artistes, ou peut-être que c'est comme les autres centres, est-ce qu'il y a aussi un groupe d'artistes qui fait partie intégrale d'Avatar, ou c'est juste plus un organisme de service? En fait, il y a un collectif, il y a des membres, mm-hmm. des membres actifs qui sont pas seulement de Québec, de Montréal, puis même de l'étranger. Toronto, oui, mais France. puis, comme je disais, c'est un centre de production, fait qu'il y a une programmation où officiellement on accompagne ou on diffuse mm-hmm. certaines œuvres, mais les membres viennent. Emprunter du matériel pour leur propre projet. Ils viennent utiliser aussi le studio. Ils viennent travailler sur place. On a un local qui est dédié au travail en commun. Mm-hmm. Donc, ça rend le quotidien assez dynamique. Et vous avez un piano assez particulier aussi qui peut être utilisé et dont vous favorisez l'utilisation, qui est un dix-clavier. Pour les auditeurs, si tu peux juste présenter ce type de piano bien spécial. Oui, puis je suis assez contente parce que au début, quand je suis arrivée à Avatar, je trouvais que c'était vraiment bien intimidant, ce dix-clavier de 7 pieds. Hein, c'est quand même assez imposant comme instrument. Puis j'apprends peu à peu à le connaître. Il y a des artistes qui l'ont utilisé, qui créent des projets aussi avec le dix-clavier. Puis c'est clairement dans aussi le dix-clavier, on l'associe beaucoup à Jocelyn Robert, mm-hmm. puisqu'il a créé d'innombrables pièces pour le piano dix-clavier. Voilà. Mais faut peut-être préciser, le dix-clavier, ça ressemble à un piano à queue pour quelqu'un qui... Oui, visuellement... Voilà, ça ne ressemble pas à une bidule particulière, ça ressemble à un piano à queue, mais la façon qu'il fonctionne, c'est là qu'il y a tout l'intérêt. En fait, c'est un... Merci de le préciser, Michael. C'est un piano à queue, en bonne et due forme, avec table d'harmonie, couvercle, tout ce qui compose un piano classique. mais il est équipé d'un dispositif numérique qui permet de jouer. C'est un peu un piano à queue hybride, qui est un peu comme croisé avec un ordinateur. Oui, il reçoit des données MIDI, ouais. On peut le faire jouer des partitions informatiques. Okay. Ben, Gaëtan, je pense que tu avais une idée de nous présenter, justement, oui. Oui, on va entendre une pièce de Jocelyn Robert qui est tirée d'un album qui s'intitule « Mobile ». Et c'est une pièce qui s'intitule « Pendule 1 ». Et c'est une pièce qui fait usage piano disque clavier. Alors, on écoute « Pendule ». Jocelyn Robert numéro 1. C'était donc Jocelyn Robert et son piano, son disque clavier. Oui, une œuvre qui s'intitule, je le rappelle, là, qui s'intitule Pendule 1, et qui est sur un album qui s'intitule Mobile, puis un album produit en 2011, et qu'on peut peut-être se procurer chez Avatar, je sais pas si... Oui, on en a quelques exemplaires, bien sûr. Voilà. Alors, parlant d'Avatar, mais on va aussi parler du mois multi, parce que Avatar est présent dans le mois multi, où il y a un certain nombre d'artistes que vous allez recevoir dans le cadre du mois multi. Mois multi qui va commencer très bientôt, là, la semaine prochaine. Alors, Avatar va accueillir, va proposer 3 artistes dans le cadre du mois multi? Oui, en fait, pour Avatar, le mois multi, c'est quand même un moment privilégié, justement, de diffusion. Alors, notre studio est transformé en lieu de diffusion pendant cette période-là. Cette année, par un beau concours de circonstances, on accueille aussi un duo d'artistes qui vit à Berlin, qu'on reçoit dans le cadre d'un partenariat, en fait, qu'on a avec un réseau qui s'appelle ANCAC, qui est un réseau européen de circulation d'œuvres et d'artistes. Donc, Avatar fait partie de ce réseau-là, et cette année, c'est la première année, en fait, on reçoit le duo Gansfeld. Ils vont être en résidence pendant 2 semaines et pendant le mois multi. Donc, avec Ariane, la commissaire, on se dit que c'était intéressant, justement, qu'ils puissent montrer leur travail. Et ce duo, oui, Gaëtan? Non, ça va, Jean-Pierre. Alors, ce duo Gansfeld, il est formé de deux artistes, je comprends bien, si c'est un duo. Hein? Oui, qui vivent à Berlin, oui. Lise et Soukanar. Okay. Lise est d'origine américaine, me semble-t-il, et si je me souviens bien. Les deux sont originaires des États-Unis. Ah oui? OK. Oui. Puis ils travaillent, eux, ils inventent leurs propres instruments ou ils en détournent, de ce que j'ai pu voir, parce que comme de raison, j'ai essayé d'explorer un peu leur travail. Mm-hmm. Puis voilà, fait que pendant le mois multi, ils participent à un cabaret mobile. Mm-hmm. Ça va donc se dérouler dans le hall de Méduse, puis ils vont faire résonner le hall. Donc est-ce qu'ils vont arriver avec des instruments qu'ils vont avoir produits ici ou ils vont les je pense j'ai vu dans le est-ce qu'ils vont offrir des ateliers dans le cadre du mois multi? Pas d'ateliers, on pourra pas les voir travailler. Ils en font des ateliers dans leur pratique, mais là pas dans ce cas-ci. Là, je sais que Lise va apporter sa trompette. Moi, j'ai vu une vidéo où, entre autres, elle a détourné sa trompette avec des ballons de baudruche qui se gonflent. Qui se gonflent avec elle souffle dedans, puis qui se dégonflent, ça fait du bruit. En tout cas, là, j'ai vu ça dans sa liste de matériel qu'elle allait l'apporter. Mais ils vont donc, aussi, ils ont un côté festif dans leur travail, si je comprends bien. Absolument. Ah, oui. Vraiment, il y a un côté ludique, c'est vrai. Mais ils vont aussi créer leur propre dispositif là, je sais qu'il va y avoir de la lumière. Ils ont parlé d'objets luminescents. Fait que j'ai bien hâte. Ça va être le 25 février à 9h. Donc, c'est un cabaret. C'est un cabaret. Ça, c'est un cabaret. Ouais. Ça, c'est un premier groupe. Après ça? Dans notre studio, on a Adam Basanta. Je pense qu'Ariane vous en a parlé la semaine dernière. Rapidement, mais... Oui, quand je pensais à la programmation, j'ai essayé d'imaginer un mot ou une petite expression pour parler de chaque artiste. Puis Adam, c'est révéler les espaces. Parce qu'il travaille, en tout cas dans ces dernières propositions, il travaille beaucoup avec des microphones et des haut-parleurs. Puis il fait tout un jeu de feedback contrôlé. Puis je trouve toujours que ces sonorités-là, en fait, c'est vrai qu'ils nous font percevoir l'espace, comme si d'un coup on se sent bel et bien dans la pièce par rapport à ces objets-là. C'est comme si le son faisait partie de s'intégrait dans nous quelque part. On est habité par le son. C'est comme si on peut le visualiser aussi parce que c'est directement entre le microphone puis le haut-parleur. Fait que c'est une pièce, puis on est assez contents, c'est une pièce qui a gagné un prix important récemment à Tokyo, dans un festival en art médiatique. Puis il y a du mouvement. Moi, je l'aime particulièrement, cette pièce-là, parce qu'il y a un objet en mouvement dans le milieu de la pièce, du lieu de présentation. Donc, le mot pour représenter le... J'avais dit « révéler les espaces ». Oui, puis pour Basanta, tu ne me l'avais pas dit. Basanta pour Gansfeld? Gansfeld, oui. Le mot? Ça serait électronique, parce que je trouve que tout leur dispositif, justement, où ils détournent soit des instruments, tout ça, c'est qu'on sent bien le... C'est eux qui les fabriquent eux-mêmes. Donc, on voit le filage. Oui, c'est ça. On peut dire. Je pouvais rajouter ce que j'aime, ou ce que je trouve intéressant, du moins dans ce que j'ai pu voir dans le travail d'Adam Bassanta. J'ai un passé de technicien de son, et lorsque je regarde ce qu'il fait, entre autres avec Pirouette, ou encore, ben, fait sa partie d'une œuvre qui s'appelle The Sound of Empty Space, donc le son des espaces vides, si on veut. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça me ramène tout aux théories de base en technique de son. Il va comme, il est pur, on voit vraiment au minimalisme de comment ça fonctionne finalement. Le son d'une manière électronique, bon, justement, avec Pirouette ou le micro, a une relation avec des haut-parleurs, et c'est juste ça. Il n'y a rien d'autre qui vient comme jouer. Et je trouve ça intéressant, ce côté minimalisme-là, dans ce travail du son. Moi, ça me rappelle à mes grandes théories que j'ai appris dans mes cours de son il y a déjà presque 14 ans, mais je trouve ça intéressant, cette approche-là. Oui, c'est je suis assez d'accord avec Michael. C'est une œuvre, en tout cas celle qui est présentée par Avatar, c'est une œuvre sur le plan de l'esthétique qui est extrêmement intéressante. Et aussi dans cette relation qu'il y a entre les outils de l'art sonore ou de l'art sonore vraiment au sens large, là, que ce soit la musique, donc le dialogue entre le microphone, le haut-parleur, et comme les haut-parleurs sont placés de manière circulaire, et puis que le micro, il va d'un haut-parleur à l'autre, là, il y a comme cette idée d'un dialogue multi. Et ça renforce, je dirais, le positionnement du choix de... Ça renforce le choix d'Avatar de cette œuvre-là qui, quelque part, évoque cette idée de la du multidialogue, puis de la multidisciplinarité. C'est de plusieurs voix. Oui, exactement. Oui, tout à fait. La polyphonie. Oui, polyphonie. On est quasiment dans la polyphonie. Voilà. C'est très contemplatif aussi, je trouve. C'est presque introspectif, en fait. C'est comme d'une douceur, je tenais à le dire, parce que l'image avec ce qu'on dit, ça peut ne pas... donner ça comme idée, mais... Oui, vraiment. Parce qu'on n'est pas habitué, quand on voit des fils puis des caisses de son, de voir une certaine douceur, vraiment, sensibilité. Ouais. Donc, ça c'était les deuxièmes. Et aussi, dans le cadre du mot multi, ben, il y a un habitué aussi de la grosse oreille, qui est Alexandre Saint-Onge. Alexandre Saint-Onge, la particularité, c'est que on a, l'année dernière, fait tout un... Je trouve, à Avatar, il y a souvent comme deux types de projets principaux, là. Il y a ceux qui sont une sorte de dialogue qui se développe. Mm-hmm. Les projets prennent forme, on discute, on essaie de trouver les bons timings. Ça, c'est des projets qui sont plus sur une longue durée. Qui mettent du temps. Puis, il y a d'autres projets qui sont sur le vif. Une occasion, puis hop, on saute dedans. Mais Alexandre, ça fait... un an et demi qu'on travaille sur Semblance. C'était d'abord sous forme de commande d'œuvre. Il est venu faire une série de performances dans nos locaux eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il avait mis des microphones un peu partout. Puis lui, il a fait une série de petites performances qui étaient qu'on pouvait entendre seulement de l'intérieur du studio d'Avatar. Donc, les gens qui travaillaient dans les bureaux, eux, ils voyaient faire, mais ils n'entendaient pas vraiment le résultat. À partir de ces contenus-là, il a élaboré deux performances magistrales qui ont eu lieu en juin dernier, dont la durée est 3h21min7s chacune. Puis, mon mot que j'avais pour Alexandre, j'avais deux mots, c'était « geste » et c'était « indécidable ». Puis je pense que dans chacune... Parce que dans 3 heures, il n'était pas décidé. Ben, c'est-à-dire que ces gestes, c'est beaucoup fondé sur les gestes, ces performances, et on ne sait jamais trop, c'est difficile à définir qu'est-ce que c'est exactement comme forme d'art. Ces pièces sonores aussi, il y a un peu de ça. Puis lui-même parle de l'indécidable comme d'une problématique qui l'intéresse d'explorer dans ses pièces. Donc, suite à ça, on a élaboré une publication dont je ne suis pas peu fière. Il y a Nicole Gingras qui a écrit deux textes importants. Nicole, qui est une grande spécialiste de l'art sonore. Absolument. Christophe Migon qui a aussi écrit un texte. Sincèrement, c'est un texte qui est génial. Le travail d'Alexandre est pas facile à saisir pour en parler, parce que c'est des gestes, c'est ça, des performances. Puis Christophe Migon, qui est un collaborateur de longue date D'Avatar. De et de d'Alexandre. Ah oui? Oui, tout à fait. Il m'a expliqué qu'ils avaient un projet de performance pour chaque lettre de l'alphabet. Puis là, je sais pas si on est rendu à quelle lettre, mais ça fait plusieurs années qu'ils ont débuté ça. Et un entretien aussi entre Alexandre Saint-Onge et Brandon Label. Brandon Label, qui est aussi un théoricien important en art audio. Dans la publication, on va trouver aussi une œuvre textuelle, qui est une forme de poème qui était générée à partir des performances. Donc, c'est un ouvrage important. Le 25 février, pendant le mois multi, on a décidé de offrir l'écoute intégrale de l'œuvre sonore qu'Alexandre a élaborée suite aux performances, qui dure aussi 3h21min 7s. Donc, on invite les gens à venir à 16h. Évidemment, c'est quand même c'est substantiel, l'écoute d'une pièce comme ça. Fait que c'est sûr que les gens vont pouvoir rentrer et sortir du studio. Mais à la fin, on va faire le lancement officiel du livre. OK. Et ça c'est en même temps que le lancement du projet d'Adam? Il y avait quelque chose le 26? Adam, il y a Gansfeld qui est à 21h, mais juste avant, ça va être Semblance. OK. Je me suis trompé. Je savais qu'il y avait un autre chance, projet. Une chance, Michael, est là. Moi-même, je suis comme... OK, ben donc, est-ce qu'on a on a quelque chose ici d'Alexandre Saint-Onge? Oui, une pièce d'Alexandre Saint-Onge. Oui, c'est une pièce qu'Alexandre avait faite pour le 20e anniversaire d'Avatar. On avait fait une publication, tu t'en souviens, 40 000 ans, qui contient des petits clins d'œil ou des œuvres de plus de 55 artistes. Mm-hmm. Puis Alexandre avait décidé de remixer une pièce qui avait été éditée par Home Edition en 2001. Puis donc on a pensé que ce soir ça pourrait être intéressant. Vous allez le sentir, le geste. Est-ce qu'il y a un titre de ça? Cette pièce-là, est-ce qu'elle est nommée? Faudrait voir. Faudrait je trouve. Bon, c'est pas plus grave, on la nommera après. Alors on l'écoute, Gaëtan. On est parti pour 7 minutes. Thank you. Première Ovation vous invite à découvrir les talents émergents de Québec. Dans le cadre du mois multi, le Théâtre Rue d'Ingénierie propose le spectacle Entre, qui mêle danse contemporaine et scénographie interactive. Les mouvements et les trajectoires des corps, saisis en temps réel par des caméras, sont transposés en lumière et en son dans l'espace scénique. Entre, du 24 au 26 février, à la salle multi du complexe Méduse, dans une direction chorégraphique et une mise en scène de Philippe Lessard-Drolet. Les billets sont en pré-vente jusqu'au 24 février. Visitez premièreovation.com et mmrectoverso.org pour en apprendre plus. Les lundis à 18h30, CKRL présente l'émission littéraire Les bouquins d'abord. La librairie Pantoute s'associe avec l'équipe de chroniqueurs passionnés pour vous présenter leur coup de cœur. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean, 286 rue Saint-Joseph-Est. Librairiepantoute.com. Adoucissez votre hiver et vivez l'expérience du Mois Multi, le Festival international d'art multidisciplinaire et électronique de Québec. Au rendez-vous, une mystérieuse cabane de pêche dans le parc Saint-Roch, un concert immersif envoûtant, un théâtre sonore d'ombre et de lumière, une installation dont vous êtes le héros, des performances ludiques et des soirées festives uniques. Des artistes d'ici et d'ailleurs vous convient à faire la découverte de ces œuvres hors du commun lors de cette grande fête multi. Le Mois Multi, du 3 au 27 février à Méduse et chez plusieurs partenaires. Moismulti.org. Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Alors, deuxième demi-heure de l'aérospatiale. De l'aérospatiale. Les habitudes. Ça sort tout seul. De la croche-oreille. Jean-Pierre, il va falloir que je tienne un petit carton. Te donner des cues. Ah, ça, c'est mon grand âge. Hein. On dirait qu'on retourne en arrière. Alors, deuxième demi-heure de la croche-oreille. Nous sommes toujours en compagnie de représentants d'Avatar, Caroline Gagné et Michael Gauthier. Bergeron. Évidemment. Non, mais parce qu'il y a un Gauthier qui dit ça, c'est KRL, voilà. Moi, j'ai connu un Mike Gauthier, un Mike Gauthier beaucoup, puis tu sais, ça sort comme un automatisme. Alors, Michael Bergeron. Alors, on continue toujours à Caroline, dans la suite des artistes qui vont être présents chez Avatar cette année. Il y a Nathalie Leblanc. Nathalie Leblanc, qui est un projet, dans le fond, de Première Ovation, qui est soutenu aussi par Première Ovation. Et Nathalie, on la connaît bien à Avatar parce qu'elle a fait sa maîtrise, elle a eu une bourse pour faire une partie de sa maîtrise en art visuel, mais à Avatar. Mais comme elle utilise beaucoup les technologies dans son travail, donc elle a passé 2 ans chez nous. Puis, par la suite, elle a été embauchée à Avatar. Fait qu'elle est là au soutien technique et artistique. Donc, très présente. Mais en ce moment, c'est fou parce qu'elle travaille là, sur son projet. Fait que tout le monde est besogne sur ses propres projets. Un projet qui a pas mal d'envergure. Là. Elle a un projet assez ambitieux de créer comme une sorte de mission en d'onde ou je ne sais trop. Nathalie, elle travaille principalement la vidéo comme médium. Elle a vraiment envie d'ouvrir cette recherche-là. Puis tantôt, je vous parlais des mots que je voulais retenir pour chacun des projets. Nathalie, j'ai marqué anomalie parce que elle s'intéresse dans n'importe quelle situation ou dans les images, dans ce qu'elle voit un peu partout, dans une revue, peu importe. Elle va toujours trouver la petite chose qui est comme étrange ou qui amène qui cloche un peu. Qui cloche ou dans son regard, hein, faut s'entendre. Puis là, elle s'est intéressée au cinéparc. Pour l'étrangeté d'abord parce que de se l'obsolescence retrouver bientôt aussi. Oui, c'est ça, être dans l'habitacle de l'automobile, d'être devant un écran qui nous cache une partie. Elle a trouvé que c'était étrange, ça l'a intéressé. L'absurdité du concept du cinéparc. C'est assez drôle, puis elle me disait cette semaine qu'elle a lu sur l'inventeur du cinéparc dans les années 30, Puis elle disait, au fond, pour lui, c'était tellement logique ce qu'il devait, ce qu'il, comment il a conçu ça. Elle dit, c'est complètement bizarre que moi, je reprenne ça pour en faire quelque chose qui est n'importe quoi sauf logique, finalement. Donc, ce projet-là l'amène à explorer, oui, la vidéo, encore une fois, mais elle cherche à intégrer ce travail-là dans un lieu spécifique, donc probablement un terrain vague ou un parc là, de la ville de Québec. Et quand les visiteurs vont venir, ils vont s'asseoir dans l'habitacle d'une voiture et tout le travail sonore, dans le fond, va être... D'où l'aspect sonore de son travail. Exactement. Okay. Donc, comme au ciné-parc, là, ça va être comme dans les haut-parleurs de la voiture, là. Fait que, donc, c'est un travail qui est à venir, qu'on devrait voir quelque part au mois de... Fin mai. Okay. Fin mai. Mais comme je disais, les projets Avatar, ça peut s'étirer dans le temps. Fait que quand je parle des projets, des fois, ils sont au tout début, des fois, à la fin. Voilà. Un deuxième artiste qui est aussi Émile Morin. Émile, qui est un pionnier du mois multi aussi, qui est un... Quelqu'un qu'on a perdu de vue un peu ici à Québec, qui va revenir, je comprends bien, chez Avatar pour faire un projet particulier. En fait, nous, on l'a pas perdu de vue. Puis il est venu en décembre. En fait, il me parlait d'un projet sur lequel il travaille depuis un bon bout de temps. Là. Des fois, il y a des œuvres comme ça qui nous font ramer sur plus longtemps que d'autres. Le mot pour Émile Morin, c'est dispositif, parce que il cherche toujours justement en fait, il crée des dispositifs, puis il voit où ces dispositifs-là le mènent. Puis il parlait de un dispositif qui détourne un piano droit, finalement, et ce qui fait que le piano bouge, mais en fonction des mouvements aussi du spectateur. Fait qu'il me parle de ce projet-là, puis dans le fond, il est venu en décembre travailler 2 semaines, il a fait des avancées sur son projet-là. Pendant cette période-là. Si tout va bien, on va pouvoir diffuser ce travail-là au mois de juin pendant... Il y a un sommet, c'est le sommet de l'Alliance des arts médiatiques indépendants qui va avoir lieu à Québec en juin. Puis si le travail est assez achevé, on va pouvoir montrer ce projet-là. Donc, un piano qui va bouger. Ouais. C'est impressionnant. Oui, mais j'ai hâte de voir. C'est vraiment impressionnant. Oui, même que ça fait trembler tout le quatrième étage. <Dieu. rire> Je vois Gaëtan qui opine du chef. Là, ben moi, j'ai eu la chance de voir, de voir cette œuvre parce qu'on a rendu visite à Émile. Il faut rappeler qu'il a été pendant très longtemps. Ben, c'est un des membres fondateurs de Recto Verso qui organise le mois multi. Alors, tout de même, c'est un créateur de haut niveau, je dirais. Et cette pièce-là est une pièce vraiment magnifique. Il travaille depuis longtemps. Il y a tout l'aspect... c'est tout lié, à la il y a comme un... c'est un travail qui puise aux objets traditionnels. Donc, le piano droit qui fait partie du patrimoine, du folklore. Puis la chanson folklorique et tout ça, la chanson en famille. Il transforme en un personnage de scène qui est assez impressionnant. Alors, sur le plan sonore et puis sur le plan, il y a une matière vivante dans ce piano-là qui est très belle. Donc, c'est à voir quelque part au mois de juin? Oui, éventuellement. Éventuellement. Et pour clore ce premier bloc, Ariane Plante, qui est une habituée aussi de la Croche-Oreille. Ariane, donc, qui va aussi passer par chez vous. Oui, Ariane, en fait, c'est plus qu'un passage, parce que son projet aussi, ça fait un petit bout de temps qu'on en discute, puis son projet, donc, c'est l'herbier de son. Ariane, le mot qui me vient en tête pour son travail, c'est minuscule. Mais pas parce que ses œuvres sont petites, mais parce que Ariane, dans un petit objet ou un petit espace, c'est comme si elle est capable d'y voir un monde immense. C'est très caractéristique de son travail. Puis là, ça faisait longtemps qu'elle me disait, un herbier de son, je pense que ça va sortir de l'idée d'associer une plante à un son, là, de ce que je comprends, parce que là, elle est venue déjà à l'automne, elle va revenir au printemps, puis je pense que ça va se poursuivre même en début d'automne prochain. Le côté minuscule, justement, c'est comme s'il y a tellement de contenu dans chaque petit geste, chaque petit objet, que quand nous-mêmes, on se sent tout petit, puis on pense à ça, on devient plus grand. Plus grand. Tout est dans tout. Dans le plus petit, il y a le plus grand aussi. Oui, puis d'ailleurs, Ariane a fait partie d'un collectif qui a eu Avatar qui s'appelait Projet Phila. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, bien sûr. On était 5 filles. Mm-hmm. On était même venus ici à l'émission. Ben oui. Vous étiez débarqués ici un dimanche soir. Oui, il y avait Myriam Lambert, Josiane Roberge, Natalia Petkova, Ariane Plante et moi. Et toi? Puis, tout le projet Phila, on s'était donné comme consigne de chacune apporter des éléments qui rappelaient le jardin. Puis ça, il y a beaucoup de Ariane Plante là-dedans. Ben, on va écouter justement un extrait de une des pièces. Je pense qu'on a choisi Vie minuscule, hein? Effectivement, donc c'est Vie minuscule, des petits serpents très doux de quand il y a le projet Phila. Thank you. c'était une pièce de Projet Phila, un groupe, un collectif d'artistes sonores féminins. On va enchaîner, Caroline, avec le dernier bloc. En fait, on a trois personnes dont on voudrait parler, trois personnes de mon groupe. Commençons par le projet Bangkok. Ah, Bangkok, c'est un projet particulier, en fait, qui a été instigé par le lieu. Mm-hmm. Le centre d'artistes, le lieu. C'est Richard Martel, en fait, qui a organisé un échange dans un centre là-bas à Bangkok. Donc, nous, au printemps, on reçoit un artiste de là-bas qui s'appelle Nangayo. C'est ça? Armand Nangayo. Comme disait Michael, faut qu'on apprenne à dire bonjour en thaïlandais maintenant. je connais pas tant que ça son travail, mm-hmm. évidemment, parce que c'est, dans tous ces échanges-là, on apprend assez rapidement à connaître un peu le travail. Ça sert à ça aussi. Oui, c'est ça, exactement. Ce que j'ai vu de lui sur Internet, c'est un Pinky Soundly Bicycle. Fait que c'est un projet de vélo qui a modifié pour qu'il devienne vraiment sonore. En tout cas, je sais pas ce qu'il va faire ici. C'est au mois de mars qu'il vient. Puis d'ailleurs, je sais pas s'il a prévu l'hiver, là. Je sais pas s'il fera quelque chose comme ça sur la rue. Mais j'en profite pour vous parler de Catherine Bélanger, qui, elle, est l'artiste de Québec que Avatar a envoyé à Bangkok. Ils étaient là fin septembre, début octobre. Catherine Bélanger, vous allez peut-être entendre parler d'elle. Elle a un projet qu'elle fait avec le Musée de la Civilisation qui s'appelle « Des gestes pour nourrir ». Puis elle collecte tous les mouvements de cuisine, de plats traditionnels québécois. Puis ces collections de mouvements-là, ça devient des dessins, ça devient des sons, ça devient des animations vidéo. C'est absolument magnifique. Donc, quand il y a eu le projet pour Bangkok, là, je me disais, ah oui, les gestes pour le riz, ben les oui. gestes pour les épices, les gestes pour le thé. Fait qu'elle est allée là à l'automne. Je pense sur son site, vous devez pouvoir trouver des images, mais c'est vraiment Comment un très beau projet. Catherine Bélanger. Un membre aussi d'Avatar. Puis, parlons donc aussi de Pascal Lavigne. Pascal Lavigne, c'est le prix Avatar à chaque année. Oui. Puis c'est un immense coup de cœur. Le mot que j'ai retenu pour Pascal Lavigne, je sais pas si elle serait d'accord, mais je pense que oui, c'est effondrement. C'est une artiste qui fait des sculptures cinétiques, soit avec des petits moteurs ou finalement c'est assez bricolé. Assez brute aussi, comme les matériaux qu'elle utilise, du papier. Ah, elle était au deuxième, elle. Puis, des planches de plywood. Non, c'est ça, c'est oui, quelque chose oui, de oui, brut. Oui, je sais qui, ouais. je sais qui. Puis, ce qui me touche profondément dans son travail, c'est que chaque pièce, on dirait toujours que c'est sur le point de s'effondrer complètement. Oui. Puis, je trouve que ça amène comme une sensibilité qui est sur un fil, toujours, puis c'est ce que j'apprécie beaucoup. Elle va venir pendant 3 semaines à Avatar pour développer d'autres sculptures, mais aussi, peut-être, ce qu'on parlait, les observer, justement, jusqu'à quand? Jusqu'à l'effondrement. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Donc, on a bien hâte de recevoir Pascal dans notre studio fin mars aussi. Et pour terminer ce bloc, le collectif Min Min Min. Oui, Min Min Min, c'est une aussi drôle et longue histoire. Une histoire de chat. Min Min Min, c'est un collectif montréalais composé de André-Éric Letourneau, Magali Babin et Alexandre Saint-Onge. Puis Magali est venue au printemps à Avatar, elle travaillait justement avec Jocelyn sur un projet. Puis en parlant avec, elle dit « Ah, c'est drôle », elle dit « Les 3 membres de Min Min Min viennent cette année à Avatar. » Elle a observé ça. Fait que moi, c'était pas calculé du tout. Fait qu'elle dit « Je vais partir quelque chose, je vais partir un sac avec des objets dedans, puis je vais laisser des fichiers son sur l'ordinateur du studio. Puis quand le prochain de Min Min Min va venir pour son travail, on va faire le jeu que... Du cadavre esquivé. Exactement. Oui. Donc, fait ils vont partir après, de ce qui a été fait avant, Alexandre, puis ils vont poursuivre. Oui. Alexandre est venu. On a expliqué ça, cette affaire-là. Il est embarqué là-dedans, évidemment. Et au mois d'août, André-Éric est venu. Alexandre va revenir. Fait que là, à un moment donné... Là, il y a un sac, là, dans... à Avatar, là, qui est un peu mystérieux, parce que j'ose pas trop fouiller dedans, mais eux, ils me disent qu'ils savent où est-ce qu'ils s'en vont, et il y a tous les fichiers sont sur l'ordinateur du studio. Puis, ce qu'on espère, c'est qu'à un moment donné, à la fin, là, de, soit en juin ou bientôt, en tout cas, dans les prochains mois, qu'on puisse achever ou arriver à quelque chose. Pour ça, il faudrait que je les invite les trois en même temps. C'est drôle parce que habituellement on voit l'évolution des projets, on voit qu'est-ce qu'ils font, mais là, là-dessus, on n'a juste aucune idée. C'est dans un sac. Il y a un sac blanc marqué mine dessus. Ouais. Mais c'est un peu comme l'enveloppe brune, ça. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais ça se passe d'un à l'autre. Ben écoutez, on va écouter une petite pièce, un extrait du travail de Magali. Oui, Min, c'est un collectif qui fait surtout de la performance, mais comme c'est trois artistes qui font, qui ont chacun leur pratique en art sonore indépendamment, j'ai pensé que une œuvre de Magali Babin de vous faire écouter. Ah, c'est déjà parti. Qu'est-ce que c'est, Gaëtan? Il n'y a pas de titre? Parfait. Titre inconnu. Alors, c'était Magali Babin, qui est membre du collectif Min, qu'on aura l'occasion d'entendre cette comme tu me disais, à l'automne plus? Ben, bon, on espère fin juin ou automne. On va voir où est-ce que le sac va nous... jusqu'où ça va nous tenir, oui. Là où le sac va nous porter. C'est ça, oui. Ce n'est pas le vent qui va nous porter, mais c'est le sac. Ben, écoutez, merci beaucoup, Caroline Gagné, d'être venue ici, puis Michael Bergeron. C'est un plaisir. Tous deux Si quelqu'un veut suivre les activités d'Avatar, Michael, on va sur Internet, comment on fait ça? Ben, le compte Facebook d'Avatar est assez actif quand même. On vous tient au courant non seulement des activités d'Avatar, on essaie aussi de tenir au courant des gens de ce qui se passe dans l'art audio, dans l'art actuel, dans l'art visuel en général. On se dit qu'il faut propager la bonne parole de cette forme d'art, la très grande famille de cette forme d'art. Donc, on essaie de vous tenir au courant. Mm-hmm. Et ben, notre page Internet, donc notre site web avatarquebec.org, et sur la page Facebook Avatar. C'est Avatar, tout simplement. AvatarQuebec.org. Voilà. Puis, on va se croiser au mois multi. Ben, c'est certain qu'on va se croiser au mois multi. D'ailleurs, on est à quelques jours du mois multi. D'ailleurs, il va y avoir les premiers spectacles de Kit Kuna qui sont en pré-mois multi, donc de la fin de semaine qui s'en vient. Et c'est un très beau spectacle. J'ai vu quand il l'avait présenté. Moi, je connais le disque et je disais à Gaétan l'autre jour, moi, c'est un des cinq disques des cinq dernières années que j'ai. C'est vraiment un très beau disque. J'ai hâte de voir le spectacle aussi. Ben, merci beaucoup d'être passé par la croche-oreille. Merci, Gaétan. Et puis, on vous dit la semaine prochaine. Puis, on va se laisser avec une autre pièce de Jocelyn tirée de son disque. Mobile. Et c'est une pièce qui s'intitule Pendule 2. On a entendu tout à l'heure Pendule 1. Alors, on est cohérent. Bonne semaine. Cette émission vous a été présentée par Avatar, Centre d'artistes de Québec spécialisé en art audio et électronique.